Elle Agues. Girl. Remix. Et Redfish. Hey, Redfish. Girl, girl. Hey, femme qui n'est pas. Nous réveillons dans son. Y'a des femmes à talons. Remix. Son cas descend la pression. Moi tout d'aime. Back it up, gal. Back it up. Back it up, gal. Back it up. Patap. Back it up, gal. Back it up. Ton la cabane, c'est ça cadeau aime. Bing. Back it up, gal. Back it up. Back it up, gal. Back it up. Patap. Back it up, gal. Back it up. Ton la cabane, Mais où vas-tu avec ça? Ça qu'on sac pirina. Où cabane ça? Où cabane malade? Ma gagado, mais mange alléluia. Rive en foukaï là. Nous ka bete kodou a. Pop champagne a attitude. Nous ka fume en spa. Back it up, gal. Back it up. Back it up, gal. Back it up. Patap. Back it up, gal. Back it up. Ton la cabane, c'est ça kadou eme. Bing. Back it up, gal. Back it up. Back it up, gal. Back it up. Patap. Back it up, gal. Back it up. Ton la cabane, tout ça ka fait in de. Karete in de. Well. Check my zest it in there. Ika fume funko chocolat in there. Well, yeah. Sa ke kan mwen suicide. Ma la ka cheche yon fam, bien ma pa ka cheche yon wal. Si yon mal, ma pa ka pren animal. Ke bon son pou nou pe fè yon mal. Back it up, gal. Back it up, gal. Back it up. Back it up, gal. Back it up. Patap. Back it up, gal. Back it up. Ton la cabane, te sa kadou eme. Bing. Back it up, gal. Back it up. Bing. Back it up, gal. Back it up. Patap. Back it up, gal. Back it up. Ton la cabane. Ni attend cadre c'est à quatre pattes, quatre de comme il patte du cabré Jack Daniel. Daniel c'est un top model, délicieux c'est un bol vermicelle. Chabi depuis des graisses, attend en son condition. Du café clap clap, clap clap, hey, du café tap tap, tap tap. Oh yeah, back it up, gal, back it up, boom, back it up, gal, back it up, patap, back it up, gal, back it up. Ton la cabane, c'est ça que nous aimons. Bing, back it up, gal, back it up, back it up, gal, back it up, patap, back it up, gal, back it up. Ton la cabane, nous réveillons dans son, la défense matalon, sans qu'à descendre la pression, moi tout d'aime. What to them? Pack it up. Ay, ay, ay. Oh, pack it up. Show them. El Agues. Hey, Redfish.